Chapitre 47. La pièce, tout en pierre sèche et sans lucarne, s'inscrivait dans un grand carré de 8 mètres de côté environ. Au premier coup d'œil, on eût dit le simple laboratoire d'un biologiste. Mais l'impression était vite corrigée, sitôt que l'on distinguait la multitude de traces de sang et le contenu des bocaux en verre qui s'alignaient sur une rangée d'étagères au-dessus d'une paillasse carrelée. Flottant dans le formol, il y avait là une collection macabre d'organes vitaux humains, de membres disséqués. Lorraine tourna la tête dans une grimace répugnée. « Foutre Dieu » grogna-t-elle, entre haut-le-cœur et colère. « Quel esprit malade peut faire une chose pareille ?» Edward, qui n'avait guère meilleure mine, posa une main sur ses lèvres. Le spectacle était véritablement ignominieux, et il l'était plus encore quand on prenait conscience que ces récipients contenaient sans doute les restes d'Elias Carteret, de Diana Tudor et de Margaret Weldon. Prenant une profonde inspiration, Mademoiselle Chapelle s'arma de courage et s'avança dans cet antre lugubre. Quoique, au milieu de flaques de sang, des outils étaient rangés avec un soin méticuleux autour d'un microscope, piles de lamelles, broyeurs, vaisseaux, éprouvettes, pipettes graduées, balances, seringues, rasoirs et scalpels, ciseaux, pinces et pincettes, thermomètres, tamis, étaux. D'une boîte en bois sombre dépassait une douzaine de bouteilles emplies de liquides de couleurs différentes, et quand elle fut assez près, Lorraine poussa un petit gémissement écœuré en apercevant ce qui reposait sur la platine du microscope. Un globe oculaire, dont la membrane sclérotique était incisée, laissant apparaître l'humeur vitrée et gélatineuse. Avant de détourner le regard, Mademoiselle Chapelle eut le temps d'y reconnaître le fameux anneau de Kaiser Fleischer, ce cercle brunâtre autour de la cornée qui caractérise la maladie de Wilson. Dans un frisson nauséeux, la jeune femme releva la tête. Sur le mur central, 3 grosses lampes surplombaient l'espace de travail, destiné certainement à lui offrir la plus vive lumière. De part et d'autre du poste principal se trouvaient 4 commodes métalliques souillées par les mêmes éclaboussures de sang qui recouvraient la céramique blanche. Au-dessus, un même nombre de placards. Sur la paroi de droite se juxtaposaient un fourneau et un alambic. Sur celle de gauche, un large évier en émail, maculé de rouge lui aussi. La pièce était saturée par une odeur méphitique qui agressait les narines. Et ce n'était pas seulement celle des produits chimiques réunis entre ces murs, c'était le parfum de la mort elle-même. Les nerfs à vif, Lorraine sursauta quand Edward ouvrit bruyamment une armoire près de l'entrée. Tournant la tête, elle découvrit en même temps que lui les rangées de livres qui se superposaient à l'intérieur. Des manuels de chirurgie et d'anatomie, expliqua le détective dans un souffle atterré. Y regardant de plus près, il lut l'un des titres à voix haute. « Traité pratique du microscope, de la préparation et conservation des objets pour la dissection. » Il referma aussitôt l'armoire dans un soupir. « Nous en avons assez vu, Lorraine. Sortons d'ici et allons chercher le gouverneur. » La jeune femme ne se fit pas prier. Ils avaient désormais bien plus de preuves qu'il ne leur en fallait pour confondre l'antiquaire, et elle était pressée de quitter ce tableau des plus malsains. Elle fit signe à Edward et lui emboîta le pas. Mais à peine était-il arrivé sur le seuil qu'un tintement de cloche résonna au rez-de-chaussée. « Peste, on entre !» s'affola Edward à voix basse. « Cachons-nous ! Pas là-dedans !» rétorqua Lorraine en désignant avec dégoût le laboratoire derrière eux. Elle éteignit sa lampe à la hâte, puis prit le détective par le bras et l'entraîna avec elle dans la cave. Sans un bruit, ils se blottirent ensemble sous l'escalier, derrière une pile de sacs de charbon. En haut, des pas claquèrent vivement sur le parquet de la boutique. « Je compte 2 personnes, » chuchota Edward. Il venait juste de finir sa phrase lorsque la porte s'ouvrit au sommet des marches. Aussitôt, les 2 investigateurs se recroquevillèrent encore davantage dans leur cachette et retinrent leur respiration. Imitant sa voisine, le détective sortit doucement son revolver et le tint devant son visage. Les bruits de pas commencèrent à descendre, juste au-dessus de leur tête. Les deux individus devaient être arrivés sur les dernières marches quand Lorraine attrapa Edward par l'épaule et fit une moue inquiète en pointant le menton vers la porte du laboratoire. Il l'avait laissée grande ouverte. Pierce grimaça. Il était bien trop tard pour aller la refermer. L'instant d'après, deux hommes apparurent dans le clair-obscur du sous-sol. Costaud et trapu l'un comme l'autre, aucun n'avait la silhouette élancée de Steve Stevens. La mâchoire serrée, Lorraine les regarda passer devant son nez puis se diriger droit vers la chaudière. Une voix grave et rauque s'éleva dans les ombres. « Il t'a donné les clés ?»« Ah ouais, mais c'est ouvert. »« Hein ? Regarde, c'est ouvert que je te dis !» Un silence pesant s'installa aussitôt. Lorraine se crispa en entendant le cliquetis caractéristique d'un revolver dont on arme le chien. Les deux hommes pénétrèrent alors doucement dans le laboratoire. Un silence encore, puis des pas revinrent vers le cellier. La lumière jaune d'une lampe torche s'alluma et la jeune femme vit son faisceau qui balayait la pièce. Lorsque des rayons l'éblouirent en passant entre les sacs de charbon, Lorraine resserra son poing autour de la crosse de son arme. Elle sentit le corps d'Edward se contracter à ses côtés. Tandis que la lumière s'attardait sur leur cachette, elle eut l'impression que son cœur allait s'arrêter. « Allez !» appela une voix dans le laboratoire. « Laisse couler, viens m'aider !»« C'est pas normal ! Il laisse jamais ouvert ! T'inquiète donc pas, il perd la boule, l'antiquaire ! Allez, viens m'aider au lieu de jaser, empaillé !» À 2 mètres à peine, Lorraine entendit l'homme pousser un profond soupir, puis elle le vit tourner les talons et repartir vers le laboratoire. Discrètement, elle essuya une goutte de sueur sur son front et échangea un regard livide avec le détective. De la pièce voisine, ils perçurent d'abord le bruit d'une serrure, puis celui d'une petite porte qu'on ouvrait. Un placard ou une armoire, sans doute. Quelques secondes plus tard, ils virent ressortir les deux hommes, portant ensemble une lourde caisse en bois. « Ma parole, j'espère qu'on n'est pas obligé de se garer trop loin de cette foutue abbaye, parce que ça pèse un âne mort. Mais non, juste assez pour pas qu'ils nous entendent arriver. » Les pas plus lourds résonnèrent de nouveau sur les marches, au-dessus des investigateurs immobiles. Quand la cloche d'entrée se remit à tinter et que le silence se fit enfin au rez-de-chaussée, Lorraine poussa le détective et se précipita vers la lucarne. Se hissant prudemment, la jeune femme jeta un coup d'œil à travers la vitre. À la lumière d'un lampadaire au gaz, elle vit les deux gaillards soulever leur fardeau pour le poser sous une bâche, à l'arrière d'une camionnette Ford TT. L'instant d'après, l'engin démarrait dans un grondement sourd et s'enfuyait vers l'est. « Pensez-vous comme moi ?» demanda Mademoiselle Chapelle tandis qu'Edward, le souffle court, apparaissait dans son dos. « Qu'ils vont à l'abbaye de Pennygarth ? Et que c'est le site du Nempton, l'ancien temple celtique ?»« Exactement. » Et vous souvenez-vous de l'histoire que nous avait racontée Mademoiselle Appleton à ce sujet? La cérémonie secrète qui se serait tenue là-bas la nuit du 31 octobre pendant que tous les habitants de l'île étaient occupés dans le centre-ville? Évidemment que je m'en souviens. Et je suppose que vous connaissez l'origine de la fête d'All Hallows Eve. La Française hocha la tête. « Sa main !» répondit-elle les yeux étincelants. « La première des 4 grandes fêtes celtiques. » confirma le détective. La nuit où l'on célèbre le passage entre le monde des humains et l'autre monde, l'Anaon. Le visage de la jeune femme s'anima aussitôt, comme sous le coup d'une exaltation nouvelle. Lors, elle glissa son arme dans son dos et prit vigoureusement Edward par l'épaule. « Comprenez-vous ce que cela signifie, Sherlock ? » « Que Stevens et ses complices vont profiter de ce que les enfants de Dagda sont tous réunis en un même lieu, loin des regards, pour les attaquer ?»« Cela ne fait aucun doute. » « Nous devons aller empêcher cela au plus vite !» Alors qu'elle s'était déjà mise en route, Pierce retint Lorraine par la main et lui adressa un regard autoritaire. « Allons d'abord chercher le gouverneur. Hors de question !» rétorqua Mademoiselle Chapelle. « Le temps qu'il nous écoute et qu'il rassemble des policiers, il sera déjà trop tard. On y va tout de suite et puis c'est tout !» Elle se précipita vers l'escalier et enjamba les marches 4 à 4. « Lorraine !» s'agaça Pierce. « Ce n'est pas raisonnable. Je me fous du raisonnable !» lui lança Lorraine du rez-de-chaussée. « Il n'y a que le rationnel qui compte. Montez tête de bique ou je pars sans vous !» Edward, de guerre lasse, monta l'escalier à son tour. « Ce n'est pas raisonnable du tout » grommela-t-il encore entre ses dents. L'instant d'après, il grimpait sur la motocyclette à l'angle de Victoria Street. À quelques pâtés de maison, on entendait les bruits de la fête qui, déjà, battait son plein sur le terrain de football. Par moments, les détonations de quelques pétards couvraient la musique d'un orchestre dont les notes se répercutaient entre les façades alentour. Lorraine enfila ses lunettes d'aviatrice, enclencha la première vitesse et s'engagea dans Murdoch Street à vive allure. Arrivée au croisement de High Street, elle bifurqua vers l'est et bientôt ils sortirent des lumières de la ville. La Harley Davidson remonta les longues rangées d'arbres comme une étoile filante. La lune était si pleine et si grosse qu'on se fût cru au petit jour. La nature tout entière s'était drapée d'une douce teinte bleutée, et la route scintillait ici et là de vifs éclats argentés. Fonçant vers la pointe nord-est de l'île, ils traversèrent rapidement les villages de Dungate et d'Hartford, aussi déserts l'un que l'autre. Nulle part ils ne virent âme qui vive, et aux façades des maisons, aucune fenêtre allumée. C'était comme si Blackmore, d'un seul coup, à l'instar de la colonie de Roanoke, avait été abandonné par tous ses habitants. Tandis que la motocyclette approchait des côtes, le vent, ce maudit vent, commença à se lever. À leur gauche, Lorraine et Edward virent se dessiner la silhouette majestueuse du fort Donné, dont l'ombre protectrice s'étendait sur Port Braine. Immanquablement, Mademoiselle Chapelle se remémora le soir de son arrivée une semaine plus tôt. Elle revit le premier regard de Nicky Tudor sur le quai, hostile et singulier. La silhouette étrange du jeune garçon qui, sous une pluie battante, l'avait observé du bas-côté de la route. De fil en aiguille, ses souvenirs remontèrent le temps pour la conduire jusqu'au jour plus lointain de sa première visite. Et ce fut alors le visage de sa mère qui se forma dans les limbes de son esprit. Son visage éreinté, meurtri par les épreuves de la vie, et pourtant si doux. Pourquoi sa mère avait-elle tenu à l'emmener ici, à lui présenter Sir Ronald, son amant probable, fût-ce d'un amour platonique? Le vieux lord, au fond, n'avait pas répondu à la question qui hantait Mademoiselle Chapelle. La figure de sa mère s'effaça lentement lorsque Lorraine aperçut au loin les ruines de l'abbaye de Pennygarth, isolée au bout d'une presqu'île dont les falaises abruptes plongeaient dans la mer. Au même instant, elle sentit la prise d'Edward se resserrer doucement sur ses hanches. Attrapant la main droite du détective, elle la pressa plusieurs fois dans de petits gestes affectueux, auquel il répondit pareillement. Il n'était plus qu'à 200 mètres à peine du site quand Edward tapa sur l'épaule de la Française. « J'ai cru voir la camionnette dans les bois, juste derrière. » Coupant aussitôt son moteur, Lorraine laissa la motocyclette filer en roue libre vers le bas-côté. Les pneus craquèrent sur la terre jusqu'à ce que la machine s'arrête doucement toute seule entre les arbres. Les deux investigateurs mirent pied à terre. « Avez-vous vu ?» murmura Edward en tendant l'index vers la pointe de l'île. Au milieu des ruines, quatre colonnes de fumée aux étranges reflets bleutés s'élevaient lentement vers les cieux. « Cela ressemble à ce dont nous avait parlé Mademoiselle Appleton, » acquiesça Lorraine. « Mais allons voir la Ford d'abord. » Ainsi, l'un derrière l'autre, ils rebroussèrent chemin parmi les ombres, marchant aussi silencieusement que possible vers l'endroit où le détective avait aperçu la camionnette. Quand elle apparut dans la pénombre du petit bois, ils se cachèrent derrière un bosquet pour l'observer attentivement. « Il a l'air de n'y avoir personne, » chuchota Edward. « Restez là. Je vais aller vérifier. » Sans attendre, la jeune femme sortit de sa cachette. Filant d'arbre en arbre, elle progressa par étapes jusqu'à l'arrière de la Ford. Là, un genou à terre, elle se hissa tout doucement pour écarter la bâche et jeter un coup d'œil sur le plateau. Vide. Le dos plaqué à la carrosserie, Lorraine remonta précautionneusement vers la cabine. Elle n'y trouva personne. Se retournant vers lui, elle fit signe à Edward de la rejoindre. « La caisse n'est plus là, » expliqua-t-elle. « Ils l'ont déjà emportée vers l'abbaye. Que peut-elle contenir, à votre avis ?»« Je ne serais pas étonné que ce soit des armes, » répondit Lorraine. « Allons-y, mais passons du côté opposé. Nous pourrons peut-être les prendre à revers. » Le détective acquiesça et, au pas de course, ils traversèrent la route qui montait vers l'abbaye. Coupant à travers bois, ils cavalèrent longuement jusqu'à ce que les ruines lugubres surgissent enfin à leur droite. De l'édifice ancien, il ne restait plus que quelques murs, eux-mêmes partiellement effondrés, et de rares toits. Partout, la végétation avait envahi les parois en vieilles pierres. Dans les alignements de décombres, on devinait les vestiges de l'ancienne enceinte et, derrière elle, ceux de plusieurs bâtiments dont le plus imposant était incontestablement l'église romane. Sur son flanc gauche, on pouvait reconnaître les contours d'un cloître, et c'était du cœur de celui-ci que semblaient s'exhaler les quatre colonnes de fumée. En avançant de quelques pas, Lorraine et Édouard découvrirent un phénomène plus étonnant encore que ces exhalaisons verticales bleutées. Jusqu'à une dizaine de mètres autour du site, une même vapeur, épaisse, se répandait au ras du sol, rendant celui-ci à peine visible sous un tapis de nuages lourds. On eût dit que les ruines flottaient sur une mer de brume. « C'est l'heure de vérité, Édouard. » Le détective regarda Mademoiselle Chapelle avec un petit sourire entendu. « Quelle vérité ? »